Ésaïe chapitre 14. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, et il ira encore Israël, et il les rétablira dans leur terre, et les étrangers se joindront à eux, et s'attacheront à la maison de Jacob, et les peuples les prendront, et les mèneront à leur lieu, et la maison d'Israël les possédera en droit d'héritage sur la terre de l'Éternel, comme des serviteurs et des servantes. Ils tiendront captifs ceux qui les avaient tenus captifs, et ils domineront sur leurs exacteurs. Et il arrivera qu'au jour que l'Éternel fera cesser ton travail, ton tourment, et la dure servitude sous laquelle on t'aura asservi. Tu te moqueras ainsi du roi de Babylone, et tu diras, comment se repose l'exacteur, comment se repose celle qui était si avide de richesse? L'Éternel a rompu le bâton des méchants, et la verge des dominateurs. Celui qui frappait avec fureur, les peuples de coups que l'on ne pouvait détourner, qui dominait sur les nations avec colère, et poursuivit sans qu'il s'en puisse garantir. Toute la terre a été mise en repos et en repos et en tranquillité, on a éclaté en chants de triomphe, à gorge déployée. Même les sapins et les cèdres du Liban se sont réjouis de toi, en disant, depuis que tu as endormi, personne n'est monté pour nous tailler. Le sépulcre profond s'est ému à cause de toi, pour aller au-devant de toi à ta venue. Il a réveillé à cause de toi les trépassés, et a fait lever de leur siège tous les principaux de la terre, tous les rois des nations. Eux tous prendront la parole, et te diront, tu as été aussi affaibli que nous, tu as été rendu semblable à nous. On a fait descendre ta hauteur au sépulcre, avec le bruit de tes musettes, tu as couché sur une couche de ver, et la vermine est ce qui te couvre. Comment es-tu tombé des cieux, étoile du matin, fille de l'aube du jour? Toi qui foulais les nations, tu es abattu jusqu'en terre. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles du Dieu fort, je serai assis en la montagne d'assignation, aux côtés d'Aquilon. Je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées, je serai semblable au souverain. Et cependant on t'a fait descendre au sépulcre, au fond de la fosse. Ceux qui te verront te regarderont et te considéreront, en disant, n'est-ce pas ici ce personnage qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui a réduit le monde habitable comme en un désert, et qui a détruit ses villes, et n'a point relâché ses prisonniers pour les renvoyer en leur maison? Tous les rois des nations, eux tous sont morts avec gloire, chacun dans sa maison. Mais tu as été jeté loin de ton sépulcre comme un rejeton pourri, comme un habillement de gens tués, transpercés avec l'épée, qui sont descendus parmi les pierres d'une fosse, comme une charogne foulée aux pieds. Tu ne seras point rangé comme eux dans le sépulcre, car tu as ravagé ta terre, tu as tué ton peuple, la race des malins ne sera point renommée à toujours. Préparez la tuerie pour ses enfants, à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se relèvent point, et qu'ils n'héritent point la terre, et ne remplissent point de ville le dessus de la terre habitable. Je m'élèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, et je retrancherai à Babylone le nom, et le reste qu'elle a, le fils et le petit-fils, dit l'Éternel. Et je la réduirai en habitation de butor, et en marais d'eau, et je la balayerai d'un balai de destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées a juré, en disant, s'il n'est fait ainsi que je l'ai pensé, même comme je l'ai arrêté dans mon conseil, il tiendra. C'est que je froisserai le roi d'Assyrie dans ma terre, je le foulerai sur mes montagnes, et son joug sera ôté de dessus eux, et son fardeau sera ôté de dessus leurs épaules. C'est là le conseil qui a été arrêté contre toute la terre, et c'est là la main étendue sur toutes les nations. Car l'Éternel des armées l'a arrêté en son conseil, et qui l'empêcherait? Et sa main est étendue, et qui la détournerait? L'année en laquelle mourut le roi Achaz, cette charge-ci fut mise en avant. Toi, toute la Palestine, ne te réjouis point de ce que la verge de celui qui te frappait a été brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un serpent brûlant qui vole. Les plus misérables seront repus, et les pauvres reposeront en assurance, mais je ferai mourir de faim ta racine, et on tuera ce qui sera resté en toi. Toi, porte, hurle, toi ville, crie, toi tout la Palestine, sois comme une chose qui s'écoule, car une fumée viendra de l'Aquilon, et il ne restera pas un seul homme dans ses assignations. Et que répondra-t-on aux ambassadeurs de cette nation? On répondra que l'Éternel a fondé Sion, et que les affligés de son peuple se retireront vers elle.